Pas j'en mèdame tiri titi Tout en son parle français Pas j'en gagne gapégué Tout en son se fait malade Je veux se rayonner la rue Mais la tête m'a pas bien fait Après trois mois d'être plein grain Depuis qu'il est au déchet là Mais y'en a qui est là pour le passé A j'en mèdame tiri titi Tout en son parle français Pas j'en gagne gapégué Je veux se rayonner la vie Mais la tête m'a pas bien fait Après toi moi t'es plein grain Et puis qui est déchet là Dans le cinéma ou fait journée ou valise ou tôt Pas bon facteur faire chemin On fait son pito Santé yé, santé yé On fait son pito Dis où c'est ceci, dis où c'est cela maman maman. Mesdames de Chalbert, son question de permanent. Son question de rosé, son français. Mesdames de Chalbert, son chili-titi. Faut parler français, faut qu'on allie. Son question de permanent. Son question de manie. Son question de pédicule. Mais c'est gardé. Où c'est que c'est là? Où c'est que c'est? Oh, Read up.